Combo. Sous l'amour de ma vie. Congo, yo, yo, yo, yo, yo. Del Pirlo Mourinho, voz de Bosta. Ouais. Que je l'aime. Mon salaire il est comme maloba na ibeli. Ata toko sambela, toyeba ke Congo ekobonga kaka na misala. Pe na effort ya ba Congolais, miracle ezalaka te. Bato ba pemeni ya mikonzi, pe pemeni ya mokonzi. Batikaka kopesa ba conseil po na intérêt ya ba poste na bango. Ba pesaka ba conseil po na intérêt ya vie ya ba Congolais, pe po Congo ebonga. Angara lela Congo. Congo mon amour ye ye. Congo mon bébé. Ngolinga Congo ezali na sukate. Motota coca coca cola yango. Motota coca coca kisanga. Kongweza tesi ya pambu anduya. Saint James Paul. Kongweza peo ya babola. Kongweza tesi ya batoma shosho. Coca cola. Kongweza peo ya bangamba ye ye ye. Kongweza tesi ya badetuite. Kongweza tesi ya ba ministre ye. Eba PDG. Kongweza tesi ya batoba zana pouvoir. Nengeni ni po yo mogoza ane singo ya golia. Natango batu ebele otur na yo bako lala ndela pe bako lela. Saki yo lingi Congo. Respecte la demokrasi. Saki yo lingi Congo ye. Respecte ba institution. Ah ouais. Respecte presidence. Institution numéro 1. Respecte constitution. La règle du jeu. Pendant le match, la règle du jeu, le même pour tous. Assemblée nationale, et sa souveraine. Constitution, et sa sacrée. Pour l'intérêt de tous, et non pour le profit d'un seul. Congo, oui, oui, oui. Togo, il va guerre, va dictature. Congo, oui. Tolalanza, la casse en paix. Congolais a comme on a passé pour la moté ma mape na yé moko congolais. A député ba élu du peuple. Peuple tu ne vino na parlement. Tobo incarné volonté na yé. A ta jour mon côté beau comme un corrompu. A ta jour mon côté beau trahir le peuple. Hey. Congo oui oui oui. Congo oui oui oui. Tobo y va guerre va dictature. Quando era cassino pe Amara era como Amara amor como ia Como meu bebê Como ele não podia ser na droga como Cole caba com o lembi sussoie Não me sei nisso vai na como ia Amara amor como ia Congo, Congo, na butu, Congo, na zamba, Congo, ata na voyage, Congo, na passi, Congo, tout le temps, Congo, na ba prière, Congo, ah ouais, passi ya Congo ya li congolais ye moko, po congolais ya li ni congolais te, ba congolais mi balé mokolo mosu ba kuteni na nkolo nzambe, moko alobi na nzambe, nzambe seli sabiso, nzambe alobi, oyo kosenga na kopesa me yebake, na kosala le double na yango, po la moninga no boana ye, na sala nini? Congolais, le bien, nzambe, bomanga, il y a un bon moment, il y a un bon moment, il y a un bon moment, il y a un bon moment, il y a un bon moment, il y a un bon moment, il y a un bon moment, il y a un bon moment, il y a un bon moment, il y a un bon moment, il y a un bon moment, il y a un bon moment, il y a un bon moment, il y a un bon moment, il y a un bon moment, il y a un bon moment, il y a un bon moment, il y a un bon moment, il y a un bon moment, il y a un bon moment, il y a un bon moment, il y a un bon moment, il y a un bon moment, il y a un bon moment, il y a un bon moment, il y a un bon moment, il y a un bon moment, il y a un bon moment, il y a un bon moment, il y a un bon moment, il y a un bon moment, il y a un bon moment, il y a un bon moment, il y a un bon moment, il y a un bon moment, il y a un bon moment, il y a un bon moment, il y a un bon moment, il y a un bon moment, il y a un b